presque neuf, les mecs avec des casquettes estampillées de la marque d'engrais qu'ils préfèrent. Dans le 5-5, y'a plein de voitures sans permis, car même dans le 5-5, rouler bourré c'est interdit. Dans le 5-5, y'a des voitures tunées par des gens peu fortunés, mais qui savent bricoler. Dans le 5-5, t'es toujours proche de la nature, y'a pas de pigeons dégueux qui viennent chier sur ta voiture. Dans le 5-5, les corbeaux volent à l'envers, enfin là comme d'habitude, ben j'exagère. Dans le 5-5, 30 âmes au kilomètre carré en font un département à faible densité de population, où découle l'intensité des relations. Retrouve de l'intérêt dans le 5-5, y'a moins de choses inutiles, moins de tasse pour le futile. On va à l'essentiel dans le 5-5, aux terres d'asile. On rallume la chaudière, on a tout pour s'y plaire, dans notre petit village perdu dans son écrin de verre. Dans le 5-5, des généraux nécrophiles employaient la guerre, un engrais d'un nouveau style, les âmes en décomposition par dizaines de mille, au moins rendir la terre plus fertile. Dans le 5-5, pour le prix d'un F3 en ville très étroit, dans un immeuble où on s'empile, ici tu as une maison de maître avec des pièces inutiles, enfin moins inutiles qu'un 4x4 en ville. Dans le 5-5, y'a des 4x4, mais tu sais pourquoi, ils sont toujours plein de boue, carrés à l'orée des bois. C'est pas des Porsche Cayenne, mais plutôt des Lada, c'est pas des blondes qui les conduisent, parce que les blondes ça fait pas de bois. Dans le 5-5, y'a des chasseurs dans les bois, y'a des tronçonneuses aussi, qui abattent et qui coupent et qui découpent, des arbres qui bientôt finiront dans notre chaudière. Dans le 5-5, y'a moins de choses inutiles, moins de place pour le futile, on va à l'essentiel.